ce vendredi à La Vie en BD. Un doublé en BD jeunesse, Gibi le super bébé, les anecdotes scientifiques des Labourats, en plus des commentaires BD. Bon vendredi à tous et à toutes, bienvenue à cette édition de La Vie en BD. Raymond Poirier au micro avec vous jusqu'à 18h30 comme à l'habitude pour plonger dans la sphère, dans l'univers du 9e art. Et cette semaine, deux albums qu'on met en évidence et on est vraiment dans la sphère jeunesse en fait. C'est volontaire en fait, je me suis dit pourquoi pas, puisqu'il y a eu quand même pas mal de belles sorties cet automne. Il y en a une partie dont on a déjà traité et d'autres justement qui étaient en attente de traitement. Notamment en deuxième moitié, on aura le plaisir de jaser avec Sam Parr. C'est la troisième fois en fait qu'on aura l'occasion d'échanger avec lui autour de sa série Gibi. On avait envie de faire, pour cette troisième occasion, mais peut-être un petit bilan avec la fin de ce premier cycle, en fait, le sixième tome qui est arrivé en librairie cet automne. On l'avait rencontré au tout départ, au coup de lancement, dans le premier tome. On l'avait rencontré au troisième. Alors, on fait les étapes avec lui, si on peut dire. Et évidemment, si vous êtes parmi ceux et celles qui n'avaient pas encore plongé dans la sphère de ce super-héros sans cap, eh bien, c'est une occasion de le faire également. En fait, un bel univers qu'il nous a construit et bâti et proposé. Et on verra avec lui comment, justement, il le fait grandir au fil de ses six albums. Également, peut-être que parmi vous, on a quelques lecteurs de Curium, magazine scientifique pour les jeunes. Et justement, dans ce magazine, il y a quand même plusieurs histoires et univers BD qui sont proposés. Et entre autres, il y a les Labourats, donc la vulgarisation scientifique à travers de l'humour avec des rats comme personnages principaux. Et c'est un univers que nous a construit Richard Valran au fil des derniers mois et évidemment qui arrive maintenant en album. Donc c'est pour ça qu'on en profite pour en parler. On reviendra un petit peu aussi sur l'historique de la chronique évidemment. Et pour ceux qui ont aimé, moi je faisais un peu un parallèle dans mon esprit avant d'entrer en onde avec les bonnes BD qu'on trouvait du côté des débrouillards. Et c'est dans cette veine-là où on va chercher différents univers. On les met côte à côte. Alors on jasera avec lui évidemment de ce défi, je pense, de raconter en BD certains concepts qui sont parfois assez complexes, disons-le comme ça pour l'instant. Alors c'est nos entrevues pour cette semaine. Évidemment, il y aura également des commentaires BD, entre autres Édouard Tremblay qui viendra faire un tour en fin d'émission aujourd'hui. Et dans l'actualité BD cette semaine, peut-être BD élargie également, parce que je me voudrais de ne pas mentionner le Salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil qui s'est tenu jusqu'au 4 décembre dernier. Et le jury des Pépites 2017 a dévoilé ses lauréats en présence de différents intervenants. Deux jurys, l'un un professionnel, l'autre composé d'enfants de 8 à 12 ans, ont donc choisi les gagnants dans trois catégories, romans, albums et bandes dessinées. Alors on s'intéressera évidemment à la catégorie albums et bandes dessinées dans notre cas. Alors pour album, c'est Cruciforme qui a rencontré la pépite pour Colorama chez Gallimard, un album qui propose un fabuleux nuancier pour voir la vie en rose, barbe à papa ou en noir, all black, selon une avant-critique qui a été publiée dans le livre Hebdo. Et côté bande dessinée, c'est Momo qui a été récompensé, une BD chez Casterman de Jonathan Garnier et Ronnie Hottin, un ouvrage qui avait déjà eu certaines récompenses, entre autres celui de la Ligue pour l'enseignement du jeune public dans le festival BD Boom il y a de ça quelques mois. Alors félicitations évidemment aux gagnants. Et sinon, si on reste dans les prix, j'en ai trois autres pour vous. Tiens, le magazine Variation a le magazine Point a récompensé Variation, donc album de Blutch qui revisite des classiques de la bande dessinée. On en parlait justement la semaine dernière. Donc après la légèreté de Catherine Meurice, le prix Walensky du Point 2016, donc un jury composé de journalistes et d'auteurs BD a récompensé donc Blutch pour Variation. On dit en fait évidemment une occasion d'aller à explorer, dans le fond, le style et l'univers d'une trentaine d'auteurs et de planches, donc à travers des variations qui sont offertes. Une BD assez fascinante, nous disait Marco la semaine dernière. Autre prix, nouvelle récompense d'ailleurs pour cet album, c'est Charlie Chan Okchai, Une vie dessinée. Donc après le prix 1000 pages, après 3 Eisner Awards 2017 également, la bande dessinée du Singapourien Sonny Liu a reçu le prix de la meilleure BD 2017 décerné par la rédaction du magazine Lire. Je vous rappelle que Charlie Chan Okchai est une fausse autobiographie qui nous éclaire sur la vie à Singapour et l'évolution de la bande dessinée, celle d'un auteur fictif, Charlie Chan Okchai, un auteur de BD né en 1938, qui revient à travers cet album sur ses 50 ans de carrière. Et enfin, le prix René Goscinny, attribué à un scénariste pour un album paru dans l'année ou pour l'ensemble de son œuvre, a été décerné pour 2018 à Jean Aramba pour son album Opération Copperhead chez Dargaud. Alors lui est auteur également des Invisibles, d'Ulysse les Chants du Retour, dans même temps que la jeunesse Thermistone. Aramba, né en 76, raconte ici, je cite, l'histoire d'une étrange opération de désinformation britannique qui met en scène deux comédiens inoubliables, David Niven et Peter Ustinov. Dans le Londres de 1943, l'auteur mêle suspense, humour et romance et fait au passage l'éloge d'une amitié au long cours, celle de deux monstres sacrés du cinéma et plus largement, celle que le temps ne peut effacer. Alors voilà, donc pour ces notules d'actualité. En musique, cette semaine, c'est la formation Donut Shoes qui nous accompagne avec leur album Huddles des Strudel. Et on écoute un premier extrait. J'en profite également pour vous rappeler que La Vie en BD est disponible en balado diffusion sur lavieenbd.wordpress.com. Et maintenant, on plonge donc dans le premier de deux albums qu'on explore un peu plus profondément cette semaine. Alors, le premier, il s'agit des Labora, le tome 1, Crotte de fromage et bistouri. C'est aux éditions Michel Quintin et c'est de Richard Valran. Bonjour. Oui, bonjour. Alors, peut-être d'abord, la petite histoire des Labora, c'est né d'abord dans le magazine Curium. Maintenant, donc, chez Michel Quintin, donc le pendant album qui sens d'un côté des planches publiées dans le magazine et également des planches originales, des planches inédites. Oui, exactement. En fait, c'est ça. Ça fait peut-être... j'ai pas fait le décompte, mais ça fait presque 3 ans là, que je fais des chroniques pour le magazine Curium. Au début, j'ai commencé à travailler avec eux, à faire des illustrations, à faire des petits dessins d'humeur... des couvertures et ben évidemment moi je suis BDiste donc j'avais envie de leur proposer des projets et puis ils étaient ben ouverts à ce moment-là donc je leur ai proposé cette idée-là que j'avais en fait ça date de quand je faisais du dessin animé donc quand j'étudiais en dessin animé j'avais cette idée-là de faire un dessin animé avec des rats de laboratoire et puis et bon ben ça s'est jamais concrétisé et puis là quand ils m'ont proposé ils m'ont dit qu'ils étaient ouverts à avoir de la BD, j'ai pensé, je me suis dit ah, mais ça serait vraiment intéressant quand même de prendre des rats de laboratoire qui font des expériences sur les humains et évidemment c'est un concept assez simple mais qui se comprend vraiment bien et donc j'en ai fait une première chronique où les rats décortiquaient un chercheur, j'avais un de mes amis chercheurs et puis c'était un peu un pied de nez là à mon ami et donc c'est la première chronique, c'est celle-là. Et quand je leur ai proposé, ils ont bien aimé ça. Puis après ça, ben je me suis dit crime pour ils pourraient aussi décortiquer plein d'autres choses en lien avec les humains. Après ça, j'ai fait les réseaux sociaux et puis écoute, c'est sans fin là, je pourrais ils peuvent tout décortiquer ces petits rats là. Oui, ça devient un plaisir. En fait, il y a un défi aussi, on imagine, l'idée de la vulgarisation scientifique, dans le fond, donc de trouver une thématique qui est parfois assez complexe ou parfois moins, parfois très concrètes, parfois moins. Ouais. En fait, dans l'album, il y a autant les lunettes que l'ADN ou l'open source. Alors, on va chercher un éventail de sujets assez large. J'imagine que, ben, en fait, ben, peut-être d'abord le choix des sujets, justement, comment se fait-il? Est-ce que c'est un peu Richard Valeyrand qui se ouais. dit, j'aimerais ça? Est-ce que c'est curieux? C'est souvent Richard Valeyrand, mais écoute, ça arrive à plusieurs reprises là, que c'est des lecteurs qui nous l'ont proposé. Évidemment, chaque fois qu'un lecteur nous demande un sujet, je saute sur l'occasion parce que je pense que c'est ça le but. Et moi, je le prends vraiment comme un défi. C'est sûr qu'à chaque fois, j'ai tout le temps la crainte de dire, ben, ça va-tu marcher? Ça va-tu être drôle? Mais à chaque fois, il y a quelque chose à trouver. Comme par exemple, il y en a un sur l'amour. Et un aussi sur le open source, ça c'était vraiment deux commandes. Et puis, moi, je trouvais que c'était des sujets super intéressants. D'ailleurs, l'open source, c'est assez pointu. Moi, j'avais pas pensé que ça pourrait les intéresser. Et j'ai plongé là-dedans, puis il y avait plein de choses à trouver. Évidemment, tu sais, on parle de vulgarisation scientifique, mais le but, c'est vraiment de s'amuser, là, tu sais. Puis, mais moi, j'aime apprendre. Puis, donc, je suis quelqu'un de curieux. Et je me dis que les jeunes aussi, d'ailleurs, la revue Curium s'adresse quand même à un public un petit peu plus vieux que des brouillards, tu sais, oui, ça oui. fait partie de la même famille là, mais donc c'est pour ça qu'on peut se permettre là, des sujets un petit peu plus poussés un peu comme plus l'open pointu, source, exact. Puis, ouais. puis à la limite même en fait des genres de sujets qui permettent un premier contact avec certaines réalités parce que ouais. bon c'est des termes des fois qu'on voit passer ou des éléments auxquels on ne s'est pas attardé. Je veux dire les lunettes on prend pour acquis que ça existe, mais ouais. je me pose pas la question de comment ça marche. Et donc de ton côté tu dis ok on fait une BD là-dessus, c'est-à-dire après ça tu vas fouiller un peu. Ouais exact. En fait moi la manière que je fonctionne à chaque fois j'essaie de trouver 3-4 affaires vraiment intéressantes à dire. Et puis le reste autour de ça, c'est vraiment une mise en situation avec les deux rats. Puis j'essaie de mettre de l'humour là-dedans. Évidemment, il y a le rat qui est plus intelligent que l'autre, qui a lui à cause. Et d'ailleurs, dans la BD, j'explique un peu ça là, dans les 10 pages inédites. Oui, que ça, il est rendu avec le savoir. La science infuse. Parce qu'à cause d'une expérience qui a mal tourné, mais qui a bien tourné pour lui, quoi. Puis en fait, et puis il est un peu rendu insupportable pour son frère. L'autre, c'est son frère, le plus grand, et qui a des lunettes. Donc, le plus intelligent, c'est pas nécessairement celui qui a des lunettes. J'ai joué un petit peu avec le cliché, là. Avec le casting. Mais justement, ça devenait nécessaire là-dessus d'avoir d'emblée les deux personnages, d'avoir une dynamique entre les deux, d'avoir peut-être celui qui en sait un peu moins, qui est un peu le reflet d'un peu tout le monde, dans ouais. le fond, puisqu'on sait des choses, mais on ne sait pas tout. Et celui qui sait tout, dans le fond, qui peut servir un peu de dictionnaire aussi, qui peut justifier l'abondance de connaissances exact. Qu'on peut lancer comme ça. Qui sait tout. En fait, souvent, évidemment, moi, je vais voir beaucoup Wikipédia et j'en fais un petit peu des clins d'œil dans la BD. Mais non, sinon, je vais chercher quelques articles. Et ce qui est le fun avec le magazine Curium, ben, il y a des gens qui peuvent vérifier, là, voir, s'assurer là, que ce que je dis pas de bêtises, mais c'est toujours quand même assez léger là, comme contenu, tu sais. Oui, ben en fait, c'est ça. C'est, dans le fond, l'idée, c'est d'avoir un contenu, un point de départ, un élément, des éléments d'information. Mais tu le disais tantôt, après ça, le défi, c'est aussi de trouver le gag, la chute. Ouais. Et dans le fond, le contenu va amener vers la chute ou vers une multitude de petites chutes aussi. Parce exact. Que ça reste très léger, même très éclaté aussi en termes de formule. Là, c'est pas ouais. c'est pas des 12 cases. C'est aussi j'essaie de jouer avec les cases, oui, justement. Tu sais, des fois, dans certains cas, par exemple, il y en a un sur l'ADN. Là, je me suis amusé à faire des cases qui gravite autour là, de la structure de l'ADN. Des fois, je m'amuse là, justement à éclater un peu la structure. Et justement, en fait, ben, qu'est-ce qui fait un bon sujet, un mauvais sujet? Est-ce qu'il y a des mauvais sujets, dans le fond? Je pense pas qu'il y ait de mauvais sujets. Il y a des sujets plus difficiles. Comme par exemple, l'ADN, tu vois, là, j'étais tombé dans quelque chose de très scientifique. Et même les gens de Curium m'ont dit, ils m'ont dit, t'es pas obligé d'aller dans des trucs là, trop science poussée. T'sais, dans le sens que raconter l'ADN, c'est quand même, c'est difficile de le faire de manière légère parce que t'es obligé quand même d'expliquer beaucoup de choses, en fait. T'sais. Et c'est pour ça que ce qui est bien avec ça, c'est que je suis pas obligé de tout raconter. Là. Je vais essayer de trouver juste les trucs, les anecdotes qui sont amusantes. T'sais. Comme par exemple, au niveau des lunettes, ben tu sais, j'avais lu quelque part que Néron était un des premiers personnages à avoir utilisé des lunettes. Il utilisait en fait des pierres précieuses pour pouvoir. Et là, ben je me suis amusé à faire que, dans le fond, c'est à cause de ce verre-là qui a mis le feu à Rome. Donc j'essaie de jouer un petit peu avec ces différentes anecdotes là. Oui, puis dans le fond, ça veut dire aussi que tranquillement, tu te bâtis une collection assez imposante d'anecdotes de parties de famille dans des fêtes. Ouais, ben oui, des fois, c'est des gens qui me proposent des choses. Des fois, c'est, ben, souvent... Ou ben toi qui les racontes aussi, parce que t'accumules un bon savoir là-dedans. Ouais, ben tu sais, c'est drôle parce que tu sais, j'ai pas une très grande mémoire, fait que souvent, aussitôt que c'est... Ben oui, je me rappelle pas de tout ça, mais de tout ce que j'ai lu, mais ouais, il y a quand même des choses... Puis en fait, la science est drôle, est intéressante, en fait. Souvent, c'est super cocasse comment des choses sont trouvées, là, tu sais, puis c'est toujours intéressant. Oui, ben en fait, c'est d'aller trouver justement l'anecdote, le fil qui va permettre de raccrocher, qui déjà peut-être fait sourire, puis après ça, de magnifier un peu le sourire ou de grossir le sourire par la suite. Exact. Après ça, c'est sûr que j'essaie de varier, tu sais, je vais essayer de... Des fois, je vais aller plus vers la science, des fois, je vais plus vers la techno, puis bon, évidemment, moi, je fais aussi beaucoup de présentations dans les écoles, puis je me sers un peu de ces présentations-là pour voir, en fait, qu'est-ce qui intéresse les jeunes, puis souvent, c'est exactement mon lectorat, fait que ça, je trouve ça fantastique, et il me donne des idées là, de sujets que je vais traiter. Comme par exemple, j'ai réalisé qu'il aimait beaucoup les sports. Donc là, j'ai réalisé qu'il fallait que j'en fasse plus sur les sports. Bon, évidemment, une fois que tu en as fait un sur le hockey, après ça, si tu en fais un sur le football, là, ça finit par se ressembler. Il faudrait que tu ailles vers les muscles, vers les... Ouais, ben tu vois, j'en ai fait un sur les protéines. Donc, tu sais, pour voir d'où ça venait, tout ça, cette espèce d'obsession-là pour avoir des gros muscles. Et dans tout ça, en fait, Richard Valran, quand on compare peut-être un peu l'élaborat avec d'autres ouvrages, qu'on pense à Automne Rouge, par exemple, ben, en fait, il y a un style qui est beaucoup plus relâché, j'ai l'impression, beaucoup plus croquis, comparativement à un style un peu plus réaliste qu'on connaissait en parallèle. Ouais, mais j'aime beaucoup faire les deux, en fait. Je te dirais qu'au début, quand j'ai commencé, c'était un peu toujours l'obsession de l'artiste. C'est bon, est-ce que j'ai un style? C'est quoi mon style? Et puis, à un moment donné, j'ai comme accepté que je peux avoir plusieurs styles. Puis, après ça, c'est de trouver le style qui convient à ce que tu racontes. Puis, ça me fait vraiment du bien. En fait, à tous les mois, là, j'ai ma semaine où je vais faire ma chronique d'Elabora. Et puis, c'est vraiment comme une petite vacance pour moi quand je fais ça. Ben, tu sais, je veux dire, c'est du travail quand même, là, beaucoup. Puis, je pousse beaucoup là, au niveau des couleurs. Je pousse pas mal, mais ça reste quand même, c'est sûr que le trait, je vois beaucoup là. Puis en plus, mes rats, tu sais, je suis pas allé voir des rats, de quoi ça ressemble tant que ça. Je me suis amusé à faire des rats à gros nez, ils ont une grosse truffe et des grandes, grandes oreilles, sans tomber dans les clichés qu'on connaît déjà. Là, je les ai faites. Écoute, ces rats-là, ils sont sortis, puis ils sont restés comme ça. Tu sais, c'est comme ça que je les ai créés. Après ça, donc on peut penser que c'est une sorte bien particulière de rat, parce que tu sais, j'ai en faisant des recherches là-dessus, j'ai réalisé qu'il y a toutes sortes de races de rats qui sont utilisées en science. Et quand j'ai fait mes séances de dédicaces à Montréal au Salon du Livre, c'était super intéressant. Il y a beaucoup de scientifiques qui l'achetaient et des gens qui travaillaient dans des laboratoires, justement, ils m'ont raconté plein d'anecdotes là, sur le type d'animaux. Puis d'ailleurs, c'est pas tout le temps, ils n'ont pas tout le temps des fins tragiques, là, ces animaux-là, heureusement. Mais donc, c'est ça. Puis je me suis permis aussi, justement, ils ont un cousin là, qui est apparu à la fin de l'album. Là. Ils ont un cousin qui est un rat albinos, qui est pour montrer là, la différence entre les différentes couleurs de peau et tout ça. Et ça, c'est un personnage qui va rester aussi. Là. Mais ouais. Donc, d'une certaine manière, en fait, autant les gens de science que les gens non-science, en fait, voient l'intérêt peut-être de travaux comme ça, comme porte d'entrée, dans le fond, pour ça. Ben, souvent, c'était drôle parce qu'ils l'achètent un peu pour rire, tu sais, puis parce que ça les fait rigoler de. Mais tu sais, au moins 3-4 personnes là, qui sont venues me voir pour ça, puis où ils travaillaient eux-mêmes. Fait que ça, c'était inattendu pour moi. Une stab dans le dos additionnel, si on peut dire. Exact. Donc, dans le fond, c'est quelque chose d'assez spontané. C'est dans le fond, comme tu disais, si t'es lancé, c'est un peu pour un peu ton premier sketch. Donc, l'idée, c'est que c'est quelque chose qui coule de source, que tu n'as pas besoin de... Il y a déjà une bonne démarche intellectuelle pour trouver la mécanique de la chronique. Donc, il ne fallait pas en plus avoir quelque chose de lourd côté dessin. Non, c'est ça. Puis, mais tu sais, ça reste quand même assez... au niveau du scénario, je vais quand même assez rapidement. Ça me prend à peu près une journée faire un scénario, tu sais, incluant les lectures. Évidemment, après ça, il y a des retours là, avec la gang de Curium qui me reviennent des fois avec des suggestions. On dira, ben ça, tu pourrais peut-être rajouter des flèches à ce moment-là pour que ça soit plus clair. D'ailleurs, je m'arrange tout le temps pour avoir une espèce de case qui est plus un petit peu plus didactique. Là, on va voir comme, par exemple, des molécules en gros plan. Et puis ça, c'est amusant, en fait. C'est drôle de pouvoir avoir toujours le petit plan un peu scientifique après ça, puis d'après ça, de tourner ça, pas en ridicule, mais de rire un petit peu autour de ça. Là. Oui, puis en même temps, en fait, via Curium, tu parlais d'illustration tantôt. Bon, il y a l'Elabora qui est plus cependant humoristique, mais tu as aussi fait carrément de la BD reportage pour eux également. Oui, c'est vrai. Oui, j'en ai fait une, d'ailleurs, sur Marianne... faut pas que je me trompe avec le nom. Marianne Côté, Falardeau, qui d'ailleurs qui a gagné un prix cette année. J'étais bien content de ça. Qui fait de la recherche sur sur l'Arctique, en fait, sur les poissons de l'Arctique, et vraiment beaucoup impliqué dans tout ce qui est les recherches au niveau de la fonte de l'Arctique, puis c'est quoi l'impact que ça peut avoir. Donc, ouais, j'ai fait un deux pages pour ça. Je vais peut-être en faire d'autres. Ou longtemps plus dans un traitement réaliste, un peu plus entre guillemets, je dirais pas journalistique, mais... C'est plus journalistique. À l'esprit journalistique. Oui, rendu là, c'est plus journalistique. Alors qu'avec les Abora, c'est beaucoup plus léger. Puis au niveau de la recherche, c'est beaucoup moins lourd là aussi. Là. Ouais. Et est-ce que c'est justement le fait d'avoir démarré l'Elabora t'a ouvert un peu le désir justement d'aller explorer un peu la vulgarisation scientifique? Ça me plaît, mais je te dirais que j'aime bien juste le laisser... Ce que j'aime avec la gang de Curium, c'est qu'ils sont très... sont très ouverts, en fait, et justement, eux autres, le but d'avoir de la BD, c'est que ça soit rigolo, que ça amène un côté léger là, dans le magazine. Donc c'est pas eux autres qui vont pousser là pour que ça soit que j'ajoute beaucoup plus de vulgarisation, mais vers d'autres projets peut-être, vers d'autres projets, oui, peut-être éventuellement, quoique tu vois, ben là j'en fais une fois par mois, donc ça me contente. Et après ça, le reste du temps, je peux travailler sur d'autres projets. Puis ça, j'aime bien, justement, j'ai travaillé sur Automne Rouge en même temps, puis j'aimais bien là d'avoir du roman graphique en parallèle. Ouais. Ouais, dans le fond, le côté réaliste, dans plus en profondeur, côté psychologie, ouais. De reste, avec le côté plus léger, l'humour. Puis une autre genre de narration, ouais, vraiment. Puis une autre mécanique, en fait, parce que on parle beaucoup de science depuis tantôt, mais tu l'as dit au départ, en fait, l'objectif quand même d'Elabora, c'est de faire rire. Donc, il faut penser d'abord et avant tout aussi à la mécanique du gag qu'on va trouver exact, à l'intérieur de ça. Ben, ouais, ça, c'est un élément que... Ça, j'aime beaucoup ça, par exemple. J'avoue que de pouvoir développer ce savoir-faire-là, c'est un genre de... Je me pensais pas humoriste, mais évidemment, l'humour est super important là-dedans. Donc, j'explore là, vraiment un peu mon côté humoriste. J'ose pas dire le mot, mais tu sais, de faire des gags. Évidemment, tu sais, tout ça, c'est... Je me suis beaucoup inspiré, je te dirais, par exemple, d'un Gottlieb, par exemple, que je lisais beaucoup quand j'étais jeune, là, qui faisait les dingos dossiers. T'sais, moi, j'adorais ça. Donc, ça m'a beaucoup inspiré. Puis, évidemment, la seule différence, c'est que moi, je dois avoir quand même un minimum de contenu qui est vrai. Exact. Et partir de cette réalité-là pour bâtir le gag plutôt que de partir du gag pour créer une réalité. Si on peut dire. Mais en fait, la réalité est très drôle aussi. C'est ça que comme réalise, tu disais, le côté anecdotique. C'est... Ouais, absolument. Je pense juste comme par exemple, j'en ai fait un sur le Rorschach. Toute l'anecdote autour du Rorschach, c'est quand même fascinant, là, le scientifique qui est arrivé avec ça, puis l'impact que ça peut avoir aussi, là, comment on utilise ça encore aujourd'hui, alors que lui, ses motivations étaient quand même pas si claires que ça au départ, là, puis encore aujourd'hui, c'est encore super utilisé ça en psychologie, donc ouais. À suivre, si les gens veulent avoir les anecdotes justement et les éléments que tu as retenus autour du Rorschach et une multitude d'autres sujets, c'est évidemment dans l'Elabora. Je rappelle le tome 1 qui est arrivé en librairie tout récemment. Richard Valran, merci beaucoup. Ben, ça fait plaisir. Et je rappelle donc le titre d'ailleurs, l'Elabora, donc tome 1, Crotte de fromage et bistouri de Richard Valran. C'est aux éditions Michel Quintin. toujours écoute de la vie en BD. Et puisqu'on est dans la sphère de la bande dessinée jeunesse, pourquoi pas quelques petits commentaires rapides, en fait, séries sympathiques sur lesquelles j'ai eu l'occasion de tomber ces derniers temps, ou des petits suivis tout simplement dans la foulée d'entrevues qu'on avait réalisées. Évidemment, ben, en fait, il y a des tomes des séries qu'on avait pris plaisir à découvrir au premier opus et ben, qu'on attendait bien joyeusement en route vers le deuxième. C'était le cas, entre autres, de Jimmy Tornado, de Frédéric Antoine et Jean-François Vachon. Ça, c'est du côté de Presse Aventure. Et le tome 2, donc, est arrivé, Péril au fond des mers. Si vous ne vous rappelez pas de quoi il s'agit, c'est essentiellement des courtes histoires, bande dessinée un peu de type action, aventure, enquête, là, avec deux personnages, donc une fille et son frère qui est en fait un gorille. Les deux, il y a eu des modifications génétiques, si on peut dire, qui leur donnent une certaine puissance. Elle est également une génie des machines et le reste. Donc, il y a un côté très science-fiction aussi là-dedans. Et tranquillement, au fil des histoires, ben, on construisait, notamment au premier tome, ben, une petite mythologie autour de ces personnages-là. Donc, des courtes histoires quand même assez rapides, avec évidemment pour le premier album, et c'est un peu la même chose pour le deuxième, des histoires qui font mouche, qu'on embarque rapidement, d'autres, qui marchent un peu moins, mais en même temps, sur la mathématique de la chose, disons, globalement, les récits restent de manière générale solides, avec beaucoup de variations au niveau des paysages, des ambiance, en fait, dans le tome 1, c'était le cas, dans le tome 2, ce l'est encore, là, on va, des tropiques et des fonds marins jusqu'aux mers arctiques en revenant vers la sphère urbaine. Alors, en fait, si vous êtes à la recherche d'une bande dessinée qui est un peu dans cet esprit-là, dans ce type d'ambiance-là, pour les jeunes, ça peut être une bonne option, effectivement. Il y a une mythologie qui est autour de ça, mais qui est quand même simple, mais qui est un peu, en fait, apparentée à, je pense, à, par exemple, une dynamique de série télé, là, où on a une série d'épisodes, et dans les épisodes, il y a toujours des petits éléments qui nous font comprendre que ces épisodes qui se consomment complètement solitaires, peuvent être considérés aussi dans un ensemble un peu plus large. Et à un moment donné, il y a un épisode qui arrive qui, lui, concerne l'arche un peu plus large, en fait, l'histoire un peu plus large qu'on a bâtie. Et c'est le cas de manière un peu plus précise dans le deuxième, où là, justement, on va aussi introduire le vilain qu'on a proposé en filigrane du tome 1 et de la plupart des histoires du tome 2 aussi, où on savait qu'il existait, mais on ne savait pas encore c'était qui. Bon, peut-être qu'on va trouver, en fait, personnellement, c'est mon cas, le dévoilement peut-être un peu anticlimatique, dans mesure où, bon, on arrive finalement, il est là, voici, on nous le présente, on nous développe un peu ses motivations. Mais bon, en même temps, ça a le mérite d'être clair et d'être bien cadré et organisé. Alors bon, une série qui vaut la peine de jeter un coup d'œil pour des lectures rapides et sympathiques. Donc, Jimmy Tornado, je le rappelle, de Frédéric Antoine et Jean-François Vachon, c'est chez Presse Aventure, le tome 2, Péril au fond des mers. Et autre tome 2, dont on vous avait parlé du tome 1, L'univers est un ninja, livre jaune, donc ça c'est d'Alex A, bien connu évidemment pour l'univers de l'agent Jean, et qui a développé en parallèle une série qui est, nous disait-il, dans le même esprit, le même ambiance et le même univers que l'agent Jean, mais à un autre point, complètement dans le temps, où on explore un peu la création d'un monde et d'un univers, et de manière en fait moins théorique et plus pratico-pratique. Essentiellement, on suit les aventures donc d'un ninja bleu et d'un cheval jaune qui sont à la recherche de 6 pièces pour recréer le A qui est à la racine, si on peut dire, de cet univers-là. Et dans le tome 2, on se retrouve donc dans un univers à saveur automnale, jaune. Chaque tome, en fait, a un peu sa couleur dominante. Le 1, si je me rappelle bien, était plus bleu. Le prochain va être mauve. Alors, on joue comme ça d'une couleur à une autre. Donc, ça fait quand même des ambiances visuelles assez éclatées. C'est le genre de bouquin qui vont être intéressant de mettre côte à côte aussi par la suite. Et évidemment, la prédominance de jaune, ça donne un univers qui est quand même extrêmement saturé visuellement. Là, ça éclate beaucoup. Heureusement, Alex A, il ne pas trop abuser. Il y a même des sections qui se font dans un jaune vert, là, disons, on va vers d'autres tons. Ça reste vraiment dans l'esprit de ce qu'il a offert avec l'agent Jean, donc quelque chose de très éclaté, absurde. Il y a des règles, mais on joue avec les règles, on s'amuse un peu avec le ton, on passe du sérieux au bon enfant. Donc c'est très éclaté comme lecture. Ça a marché pour l'agent Jean, et ça a rejoint un très large public. Je crois que ça va marcher aussi pour que ça marche marche bien, en fait, pour l'univers est un ninja. Si on cherche cet esprit-là et si on a envie de poursuivre dans le cadre de cet univers-là, eh bien, ça peut être intéressant. Il y a un degré de quête qui est peut-être plus clair, plus défini dès le départ, en fait, avec les 6 tomes qu'on attend autour de cette histoire-là. Donc, il y a quand même l'objectif plus défini. Un cadre peut-être un peu plus, entre guillemets, jeu vidéo dans la structure des albums et même à l'intérieur de l'album aussi, où, dans ce cas-ci, on doit aller chercher 3 chiffres. Alors, encore là, des objectifs clairs qui nous amènent d'une section à une autre à l'intérieur du récit. Donc, en termes de structure, ça reste simple sans être simpliste. Et donc, en même temps, dans une dynamique pour un public un peu plus jeune, eh ben, il y a une belle clarté là-dedans, parce que sinon, on pourrait avoir l'impression qu'il y a une complexité de par la nature mythologique un peu de ce qu'on nous propose. Eh ben non, ça reste très éclaté et ça reste très clair. On ne s'y perd pas non plus. Alors, deux séries jeunesse couplées à l'autre dont je vous ai parlé. Donc, c'est là, L'univers est un ninja, tome 2, le livre jaune qui est tout aussi sympathique que le premier tome et dans la lignée de ce qu'on nous avait à faire du côté de la Jean-Jean. Donc, ça mérite une lecture sans problème. Moitié de la vie en BD qui s'amorce toujours autour de la sphère BD jeunesse cette semaine. Je vous rappelle également que vous pouvez nous suivre sur Facebook, facebook.com/ la vie en BD, pour des nouvelles notamment de la scène locale et provinciale en bande dessinée. Alors, deuxième album dont on avait envie de vous parler, en fait, une rencontre d'étapes, on pourrait dire. Donc, après le premier, le troisième, maintenant c'est le sixième tome de cette série, ce qui s'appelle Gibi. Le sixième tome, La dernière nuit, une série propulsée par Sampar du côté des éditions Michel Quintin. Et Sampar est avec nous au bout du fil. Bonjour. Bonjour. Alors, sixième tome de Gibi, essentiellement, en fait, c'est la fin du premier cycle, si on peut dire, de ce super bébé. Tout à fait, oui. Après avoir discuté avec mon éditeur, on a conclu qu'étirer une série un peu d'une façon un peu trop longue, c'était au désavantage, autant pour les lecteurs. On risquait d'en perdre en cours de route. Et puis, je voulais aussi aller vers d'autres horizons avec mon personnage. Oui, donc ça permet en fait de boucler l'histoire en se laissant les portes ouvertes, mais avec peut-être une autre dynamique, d'autres ambiances aussi pour un éventuel deuxième cycle. Exactement, sur lequel je plonge actuellement à la seconde près même. Et est-ce que, en fait, si on fait un peu l'art des bilans, est-ce que vous avez l'impression d'avoir réussi pas mal à respecter votre plan de match au fil des 6 tomes, ou au contraire, qu'il y a eu quand même pas mal, pour le mieux, en fait, j'imagine, de réajustement, mais de dire, OK, tel personnage, finalement, je lui ai donné un peu trop de place, on va se réajuster de tome en tome, comme ça, on s'est réajusté pour en arriver à avoir un défi supplémentaire, peut-être, pour tout boucler, arriver au sixième? Non, ben justement... j'ai pas la prétention de dire que j'avais vraiment un plan de match clairement établi à la base. Par contre, justement, après ce meeting-là avec mon éditeur, quand on a orienté pour boucler le premier cycle à 6 albums, ça représentait un schéma qui n'était pas parfaitement défini à mon esprit, mais ça représentait quand même ce que je voulais faire. C'est-à-dire établir un peu l'univers de Gibi, présenter la rencontre et les personnages à travers ces 6 albums-là. Puis dans le fond, ces 6 albums-là représentent une semaine. C'est 6 nuits consécutives. Donc, c'est une semaine dans la vie de Gibi. Et puis ça, étant fait, ben ça me donne le terrain, justement, pour pouvoir exploiter d'autres horizons, d'autres facettes des aventures de Gibi, justement. Et dans les 6 premiers tomes, je vous le disais, enfin, on a établi l'univers, on a aussi établi le personnage, mais on a transformé aussi le personnage. L'impression dans les premiers tomes qu'il était beaucoup plus en réaction à ce qui se passait autour de lui, et à la fin, je le sens beaucoup plus en contrôle, si on peut dire, de ce qui se passe, justement. Oui, je crois, puis je pense que j'ai laissé le libre cours un peu au personnage d'évoluer à sa façon, mais je pense que l'interaction qu'il a avec ses deux autres personnages, entre autres Rufus et Ramirez, l'influence aussi, autant la façon dynamique ou l'audace ou la façon réactionnaire de Ramirez de réagir à des circonstances, s'imprègne dans l'attitude de Gibby, peut-être la façon un peu plus sage, la manière sage que Griffith emploie face à l'adversité, ben justement, Gibby aussi en apprend. Donc, je pense que c'est une genre d'osmose qui se fait dans les trois personnages. Puis, je pense aussi, moi, ça me permet de justement bien mieux établir, disons, le personnage. Oui, puis en fait, d'en arriver en fait avec une conclusion qui est oui, bon, il y a la confrontation finale avec les méchants et le reste, mais pour le personnage, qui a une logique aussi à dire, bon, OK, voilà, le premier cycle se termine là, parce qu'il y a une évolution, l'objectif est atteint, puis il y a une évolution concrète qui a été faite chez lui. Exact. Non, c'est... Même moi, j'étais comme le premier lecteur à assister, disons, à une certaine transformation du personnage. J'ai carrément plongé un bébé avec certaines aptitudes dans un univers, et puis là, lui, s'est ajusté en fonction de ce qui lui arrivait. Et puis, moi, j'ai appris à mieux le connaître aussi. Et tout ça dans le contexte aussi où on parlait de nuit tantôt, c'est encore le cas pour le sixième, mais où on est toujours la nuit, donc dans un spectre de couleurs qui est quand même, je dirais pas limité, mais avec un cadre un peu plus restreint. Dans les derniers tomes, vous nous faisiez sortir un peu de la ville, justement. Il y a une bonne part qui se passe dans le sixième aussi, en campagne. Ça permet de renouveler un peu la palette, d'aller chercher d'autres types d'ambiance nocturne que celle des égouts, que celle de la ville. Oui, exactement. Et puis là... peut confirmer que j'ai réussi à trouver autre chose. en ayant justement ancré le départ de ma prochaine aventure, je suis content d'avoir fait cette découverte-là. Puis ça me permettait justement, en sortant de la péripétie et la série que j'avais établie au départ, d'aller jouer dans d'autres zones. Et puis là, je m'amuse beaucoup. Il y a différentes perspectives à utiliser, disons. Oui, puis en même temps, de jouer avec un peu l'ambiance ou l'esprit oppressant. Finalement, on a passé tellement de temps en ville ou dans les égouts que quand on se retrouve dans un grand champ, limite, c'est là que ça devient peut-être plus oppressant visuellement que les atmosphères avec lesquelles on est plus habitué, dans le fond, dans le contexte de la série. Je vais t'avouer, je ne commenterai pas tes paroles, je veux juste les boire parce que ça vient carrément encourager la démarche dans laquelle je suis actuellement pour le prochain tome, le septième album, disons. Et parallèlement, ça me part, dans Gibby reste, on a vu beaucoup de personnages passer au fil des tombes, en fait, des monstres, des épreuves, et c'est pas parce que c'est le sixième non plus que vous êtes limité en introduction de nouveaux éléments, de nouveaux obstacles. Donc encore là, comment un peu, on en arrive peut-être dans le design justement des créatures, est-ce qu'on pense d'abord au contexte dans lequel ils vont se trouver, puis après ça on essaie d'imaginer à quoi devrait ressembler le monstre, est-ce qu'on pense au monstre, puis ensuite on bâtit le contexte, ou... Là, tu vois, c'est justement là, si je me base actuellement sur le tome que je travaille actuellement, qui est quand même que j'opère avec l'expérience de toutes les autres, là j'ai vraiment établi un contexte. J'ai vraiment c'est à partir du contexte, il y avait des un monstre qui avait une aptitude qui m'a emmené vers un contexte. Puis là, tout après ça, ben c'est de trouver quelle créature meublée dans cet environnement-là, mais les choses sont plus définies en ayant établi le contexte. Puis en ayant le temps aussi de l'établir et de le définir quand on arrive une fois sur album, parce que ben au départ, en fait, c'est quoi, à peu près des 116 pages, en format peut-être un peu plus petit, mais ça vous donne de l'espace pour y aller justement aussi avec de la construction puis de la narration visuelle, pas être seulement dépendant du texte, donc les choses peuvent prendre le temps de se placer. Oui, tout à fait, mais par contre, vois-tu, j'ai un défi qui m'attend pour cet album-ci, le septième, étant donné qu'on sortait du premier cycle. On voulait aussi marquer le coup visuellement, puis aussi en tant qu'objet. Puis les prochains albums de Gibby ne seront plus aventure unique. Et le format va aussi changer. On va grossir de format, on va diminuer le nombre de pages. Il va y avoir d'autres. Mais ma façon de construire les images, la narration graphique est très importante. Donc, je ne vais pas nécessairement compromettre l'espace que j'allouais justement aux images. Mais j'ai quand même un champ d'action qui est différent. Mais jusqu'à présent, je te dirais que c'est assez satisfaisant. Oui, ça évite la redite aussi. Vous ne voulez pas ce format-là, vous l'avez exploré pendant 6 albums, pendant presque 700 quelques planches. Donc, à un moment donné, ça devient un beau défi aussi de dire, bon, OK, on recommence, on change un peu l'architecture, dans le fond, des albums. Bien, carrément. Puis, en toute honnêteté, au départ, le 116 pages, c'était vraiment une sorte d'insécurité d'auteur que j'avais aussi en me disant, je voulais me donner la latitude nécessaire pour pas trop, justement, que le cadre soit serré puis étouffant ou que j'ai du manque de marge de manœuvre, disons. Mais après l'expérience des 6, je me sens prêt, justement, à travailler dans un cadre peut-être différent, avec des balises différentes. Donc, je me sens un peu plus en confiance, disons. Et évidemment, en fait, je parlais de narration visuelle, il y a toujours le défi de l'organisation des cases, de la mise en scène, évidemment, du récit, et de trouver des manières aussi de nous faire ressentir d'autres impressions. Entre autres, en fait, je pense la hauteur, un procédé que vous utilisez assez souvent, qui est de prendre une case, en fait, qui va faire toute la hauteur de la page, mais une portion de sa largeur, ou d'essayer d'étendre quand on cherche des panoramas, de prendre vraiment plus la largeur de la page, mais pas nécessairement toute la hauteur, donc de jouer un peu avec l'architecture pour créer, justement, pour agrandir un peu le spectre qu'on est en mesure de voir. Tout à fait. J'avoue que c'est un plaisir que je me permets. Puis dans l'univers, puis dans l'action que j'amène dans les albums de Gibby, ça se prête bien aussi. Puis justement, on parlait tout à l'heure de la zone de confort que je peux me donner en travaillant beaucoup visuellement dans ma narration. Ces planches-là représentent beaucoup de mots, souvent. Puis c'est quelque chose que je trouve qui amène une situation très efficace. Oui, puis dans un contexte aussi où on gêne pas, bon, c'est une série qui est dans l'action, avec des objectifs qui sont quand même assez clairs. Enfin, on veut aller sauver la famille, sa hauteur d'enfant, d'une certaine manière, mais en parallèle de ça, on gêne pas non plus pour amener un contexte géopolitique, si on peut dire, à ce monde-là, entre les monstres et les animaux, entre les espèces d'animaux elles-mêmes. Donc, ça amène d'autres types de considérations aussi à ce récit-là. Oui, tout à fait. Je suis content de t'entendre dire encore. Je me répète, j'apprécie tes réflexions. Parce que justement, même moi, je m'étais aperçu qu'il y avait des matières à exploiter aussi sous cet angle-là. Puis je suis content, parce que j'arrive justement du Salon de Ville de Montréal. C'est surprenant de voir la réaction des jeunes, les réflexions qui m'amènent après leur lecture, ce qu'ils aiment. Puis c'est souvent ce que, au préalable, au départ, ce qui me rendait quintet quand on avait lancé Gibby. C'est juste l'apparence, avec le visuel très sombre, très lourd. Les parents avaient pas pensé que c'était pas quelque chose d'épeurant, de dark, de peut-être un peu de gratuité, de tout ça. Et puis, c'est de voir que les jeunes, au-delà de ce qui n'est pas nécessairement juste joli, beau, poli ou, comment dire, dans un univers rose et nanane, ben, ils sont capables de trouver quand même du positif ou quelque chose de stimulant, disons, dans l'univers qu'on peut leur proposer. Je trouve ça vraiment intéressant de voir les réflexions des fois d'un jeune de 10-11 ans, ça en est bouleversant des fois. Oui, mais veux pas, en fait, de toute façon, les codes un peu nocturnes de type super-héros, en fait, tous les référents américains qu'on a sont la nuit un peu dans des ambiances un peu plus sombres, en fond. Donc, ça permet d'offrir, dans le fond, un pendant à ça, mais avec d'autres types de considérations, mais en restant un peu dans un code qu'ils vont connaître, d'une certaine manière. Oui, c'est drame. C'est un peu comme du sirop bottelé, là. C'est pas bon. Mais moi, je m'arrange pour ajouter les petits ingrédients, que ce soit comestible et avalable et vraiment un bon goût, disons. Mais je ne veux pas non plus sombrer justement dans de la mièvrerie ou dans juste d'humour pour l'humour. J'aime ça brasser un petit peu. Puis je pense que les enfants sont capables d'entendre. Puis de toute façon, on les oblige à lire des choses qui sont super douces ou que rien ne se passe vraiment trop dramatiquement. éventuellement, ils vont peut-être s'intéresser un jour à des romans noirs, d'une manière ou d'une autre, une fois adulte. Fait que je me dis, moi, je suis déjà, d'une certaine façon, une version de romans noirs à des enfants. Et en terminant, ça me part, je parlais de la fin du cycle et d'évolution pour le personnage. J'ai l'impression de vous entendre aussi que les systèmes ont été déterminants pour votre carrière, votre parcours d'auteur solo, scénariste et dessinateur, dans mesure où du premier tome au sixième, vous avez pris plus de confiance, plus d'aisance un peu et face à votre univers, puis face à votre travail globalement, même en parallèle de votre parcours qui est assez bien chargé, assez bien rempli, là, on s'entend, mais comme auteur solo, là. Oui, ça, c'était une longue démarche qui qualifierait quasiment, qui remonte à quand j'ai commencé il y a 20 ans. C'était un objectif premier de faire de la BD, puis l'ultime jouissance mentale que je me donnais, c'est d'être capable d'écrire mes propres histoires. Et puis maintenant que ça c'est fait, maintenant que j'ai réussi à compléter cet album, c'est que j'ai bouclé une histoire, que j'ai pris de la confiance, oui, c'est vraiment ça m'a... Je trouve que c'est une des plus belles choses que j'ai pu acquérir depuis le début de ma carrière. C'est cette capacité-là de me former la matière première à la créativité, puis à pouvoir créer une BD, c'est-à-dire des idées, créer un univers... des personnages, monter, bâtir une histoire, c'est autre, c'est carrément à l'opposé. Ben, c'est autre chose que le travail de dessinateur. On part vraiment à la base. Puis ça me donne quand même, ça m'ouvre des portes aussi autant pour envisager d'autres projets aussi de Gibi. Mais vraiment, j'aimerais vraiment toujours m'inscrire à titre de travailler solo en BD. Autant des textes que mes dessins, je me plais là-dedans. Je pense que on m'a offert récemment là, de travailler avec un auteur, puis je me suis rendu compte que, en me posant la question, j'ai dû y répondre, puis je me suis confronté à me dire, ben, la seule base sur laquelle j'aime travailler avec la BD, c'est en travaillant seul. Et on peut découvrir le résultat, justement, de ces années de travail dans Gibi. Ça me part, merci beaucoup. Merci à toi, Raymond. Et à une prochaine. À une prochaine. Voilà, je rappelle Sam Parr, auteur de la série Gibi, le tome 6, donc je rappelle la fin de ce premier cycle qui est disponible depuis tout récemment, La Dernière Nuit. Mais si vous n'êtes pas encore tombé dans cet univers-là, jetez-y un coup d'œil, ça vaut la peine, surtout si vous êtes justement dans ce public cible. Pour la vie en BD, une ligne droite qu'on passe en compagnie d'un de nos libraires en résidence, Édouard Tremblay de la librairie Pantoute. Bonjour. Bonjour Raymond, bonjour à tes auditeurs. Et cette semaine, trois albums assez éclatés, assez différents d'ailleurs, que tu amènes à nos oreilles. On sens immédiatement avec le premier de tes titres, Lolona. Oui, Lolona, donc oui, trois titres assez différents, comme on le disait, et qui vont justement donner un beau portrait de tout ce foisonnement qu'on a eu cette année. Donc oui, Lolona. Le journal d'un pirate des Caraïbes, fort belle expérience graphique, belle petite expérience scénaristique également de Fanny Le Saint, qui va nous mettre en scène, en fait, justement, ce personnage. Lolonoa, c'est la transposition, en fait, dans les langues des Caraïbes d'un flibustier qui s'appelait François Lolonoa. Lolonoa, en fait, qui a eu un parcours très... évidemment très haut en couleur, ça va un peu avec le métier, mais parti en fait de jeunes pêcheurs de morue de Terre-Neuve, son goût de l'aventure qui va l'amener jusqu'à La Rochelle en France et de là dans les Caraïbes où par tout un concours évidemment de circonvolutions, de circonstances, de tromperies, de promesses non tenues, eh bien il va finir par se retrouver à la tête d'un équipage de flibustiers et va peu ou prou devenir un des grandes terreurs des Caraïbes, un des types qui était réputé pour être un véritable fléau des Espagnols qui bien sûr étaient les grands commerçants de l'époque. Et on joue avec l'univers donc visuel thématique des pirates. Il y a quand même un côté assez archétypal là-dedans. Comment on joue à travers cet archétype-là, que ce soit par le scénario, que ce soit par le visuel? Évidemment par le scénario, parce que bien sûr, toute cette histoire-là est directement puisée d'un ouvrage classique qu'on appelait le dictionnaire des flibustiers. Et donc, le personnage, comme je disais, de l'Olonois lui-même a bel et bien existé. Et graphiquement également, comme tu le soulignais, de par le très, très beau trait, le beau travail, en fait, que Mme Le Saint a fait avec tout ça, on est vraiment avec une ligne claire qui nous fait penser beaucoup au travail de très moderne de Bruno, qu'on a retrouvé notamment dans Targul, qui se déroulait également là, tu sais, dans les Caraïbes, ou même un trait qui va aller s'imprégner un peu de certains grands noms comme Eduardo Risso, comme Mike Mignola, donc d'une ligne très pure, mais qui marche avec une belle efficacité et qui sert avec magnificence le récit. Il y a quelques cases particulièrement bien senti, dont j'ai vraiment adoré la composition d'ensemble. Alors ça, c'est L'Olonois. Deuxième titre, Édouard, et là, on t'amène autant pour parler de, j'ai l'impression, autant le libraire et le lecteur BD que l'académicien qui est versé dans les cultures antiques avec Murena, le tome 10. Eh bien oui, t'as tout à fait raison, bien sûr. Hein, mon vieux passé des historiens de l'Antiquité faisait que, bien sûr, depuis les tout débuts, depuis les premières heures, j'ai toujours été un fan fini de la série Murena, avec raison, à mon avis, tant de par la recherche qu'on fait derrière tout ce grand cycle-là que de tout ce qu'il amène. Bon, pour ceux qui ne seraient pas familiers, même si on est bon quand même justement au dixième volume, donc c'est quand même une série qui est entamée depuis un bon moment, on est à l'époque justement de la Rome impériale et Murena, en fait, le personnage de Lucius Murena est un jeune patricien, un jeune romain qui va évoluer dans l'entourage en fait de l'empereur Néron. Empereur Néron, que disons, même ceux qui sont un petit peu moins versés dans l'histoire du monde romain doivent connaître de par sa réputation assez sombre et assez sinistre. Et bien donc, c'est justement tout ce règne-là en fait qu'on va voir avec tous ses excès, avec toutes ses grandeurs, mais aussi tous ses malheurs à travers les yeux de Murena et qui justement nous amène maintenant là, au tout dernier volume paru, donc le dixième qui vient tout juste d'arriver sur nos tablettes. Et le dixième, en fait, comment se positionne-t-il par rapport au reste de la série? Eh bien, c'est, oui, justement, ce n'est pas tant la fin de quelque chose ou le début d'un nouveau cycle, mais c'est néanmoins un album qui est très important dans le cycle de par le changement du dessinateur. Encore une fois, ceux qui connaissent un peu la série savent que nous avons, il y a quelques années, perdu ce grand dessinateur de talent qui était Delaby. À partir de là, bien sûr, la série Murena était tombée dans une espèce de hiatus, une espèce d'interruption. Et maintenant, elle nous revient avec un nouveau talent, un nouveau dessinateur qui est Théo. Théo qui avait donc de très, très grosses bottes à chausser, car ceux qui connaissent bien Delaby savent que c'est un dessinateur dont qu'on ne peut guère remplacer. Et c'est vraiment apporté au mérite de Théo, qui a réussi le double pari, d'abord de bien s'inscrire dans la lignée et dans le trait que Delaby avait mis en place, mais également d'y apporter malgré tout, et on le sent bien, cette petite note personnelle, cette légère petite variante qu'on retrouve dans le trait et qui nous montre quand même qu'il s'est approprié l'œuvre. Donc, dans l'ensemble, c'est un nouveau souffle pour Murena, mais un très, très beau nouveau départ. Et ça veut dire qu'on n'aura pas à attendre aussi longtemps pour une suite, pour un onzième tome. Fort heureusement, pour mon plus grand plaisir, oui. Et dernier titre, on s'en va dans le manga avec Perfect Crime. Oui, Perfect Crime, alors là, oui, on est dans complètement un autre registre. Petit thriller, plein de rebondissements, très, très noir. Les Japonais ont souvent cette approche-là. Ils sont eux-mêmes de grands fans du genre policier, du genre de polar. Ils le maîtrisent bien, que ce soit dans les romans et que ce soit dans le manga. Et donc, ici, dans Perfect Crime, en fait, eh bien, on suit les tribulations d'un type qui s'appelle Usuboki. Et Usuboki est tueur à gages de son métier. Mais c'est un tueur à gages pour le moins particulier, dans la mesure où, lorsqu'il prend et accepte un contrat, les contrats qui lui sont livrés de manière anonyme dans des boîtes téléphoniques, eh bien, il réussit toujours à accomplir le contrat, mais il ne se salit jamais les mains. Il n'est même que très, très rarement présent sur les lieux du crime. Toute sa technique et tout son art repose en fait sur un mélange de suggestions, d'hypnose, de faux semblants, si bien que au final de chacun de ces petites histoires, de ces petits cas dont il va prendre la charge, eh bien à chaque fois il va complètement retourner la situation à son avantage, et ce sera bien souvent au détriment aussi bien de la victime que du commanditaire. Usuboki a, disons, un amour assez limité du genre humain, et ça s'exprime bien à travers la façon dont il va justement opérer de ce côté-là. Alors c'est un manga à découvrir un peu pour ce type de genre-là, d'univers-là. Ben exactement, et bon, hein, pour sortir un peu de ce préjugé que la vie dure, hein, on s'imagine souvent bon que le manga se circonscrit dans des séries d'aventures pour jeunes garçons de 10-12 ans et que ça ne déborde pas de là. Eh bien, bien au contraire, et c'est vous le saurez si vous me connaissez un peu, un cheval de bataille en fait que j'entretiens depuis plusieurs années, à savoir que justement le manga est un genre qui nous offre une vastitude d'approches, de thèmes et de façons de faire, et justement pour quelqu'un qui a un plaisir à lire du polar, à découvrir ça, eh bien, il va se lancer là-dedans et il va retrouver les codes, tout ce qui fait l'essence de ce genre-là. Il ne sera absolument pas dépaysé. Édouard Tremblay, trois belles suggestions. Donc, Lalana, le tome 10 de Murena et Perfect Crime. On se dit à très bientôt. Merci à toi, Raymond. Merci à tes auditeurs. Alors voilà, merci. C'était les commentaires BD donc d'Édouard Tremblay. Et nous, ben, c'est ainsi qu'on termine l'édition de cette semaine. La semaine prochaine, on aura Mélodie Vachon-Boucher pour Le meilleur est arrivé loin d'ici. Cyrus pour Vogue, La valise, L'intégrale et plus. Alors c'est un rendez-vous, c'était Raymond Poirier au micro. Passez une excellente soirée et une excellente semaine sur les ondes du 89.1 CKRL.